César a fermé la paupière. Au jour doit succéder la nuit. Que s'éteigne toute lumière. Que s'évanouisse tout bruit. Travers ces arcades sont enfant au feu le patient disparaissait comme des ondes fuyait comme des visions. Allez que le caprice s'empare, chaque âme selon son désir, et que close après vous la peur, ne se rouvre plus qu'au plaisir. César a fermé la paupière. Au jour doit succéder la nuit. Que s'éteigne toute lumière. Que s'évanouisse tout bruit. Et que le caprice emporte chacun selon son désir, et que close après vous la porte, ne se rouvre plus qu'au plaisir. Plaisir.